stress, le regard de la foi. 12 hommes partent sonder la terre. Tous voient les mêmes vallées, mais certains ne voient que les géants. D'autres déjà ce que tu as promis. Les grappes sont lourdes de promesses. La terre coule de lait et de miel. Mais la peur voile la vision de ceux qui ont oublié le ciel. Ce n'est pas ce que les yeux voient qui décide de la route. Donne-nous le regard de la foi, celui qui voit plus loin que la peur. Celui qui traverse les forteresses avec la promesse dans le cœur. Donne-nous le regard de la foi, même quand la foule doute encore. Nous voulons croire ce que tu dis, pas ce que crient les géants dehors. Caleb et Josué se lèvent, ils partent contre le flot de peur. Deux voix seulement dans la tempête, mais deux voix pleines de ton ardeur. Ils ne nient pas la difficulté, ils n'embellissent pas le combat, mais ils regardent à ta puissance, plus qu'à la taille de la promesse dans le cœur. Donne-nous le regard de la foi, même quand la foule doute encore. Nous voulons croire ce que tu dis, pas ce que crient les géants dehors. Apprends-nous.